France Inter. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, la conquête du pôle Sud. Qu'a-t-il de si remarquable, ce minuscule point sur notre planète ? Rien. Il y a de la neige, il y a de la glace, et c'est tout. Cet endroit n'existe pour l'homme que depuis le jour où il a compris que la Terre tournait sur un axe et qu'il en était une extrémité. C'est donc l'un des deux bouts d'un bâton invisible, un petit espace vide au milieu du continent le plus froid, le plus venteux, le plus sec et le plus sombre de la planète. Pour reprendre les mots d'un grand explorateur polaire, Ernest Shackleton. Alors, pour quelle raison ? En 1911, deux équipés se lancent-elles en Antarctique dans l'une des courses les plus héroïques, les plus dramatiques et les plus légendaires de l'histoire de l'humanité ? Pourquoi deux des géants de l'exploration polaire, le Norvégien Roald Amundsen et l'Anglais Robert Scott, se mettent-ils en tête de se mesurer à ce désert, parcourant 1500 km contre les tempêtes les plus froides du monde, pour arriver en premier à cet endroit étrange? Et bien d'abord, pour la beauté du geste, l'exploration, l'aventure. Mais aussi, pour quelque chose que, depuis 3 siècles, tous ceux qui y sont allés ont ressenti, et que Jean-Baptiste Charcot, le grand explorateur français, résume ainsi, l'homme qui a pu pénétrer dans ce lieu sans son âme qui s'élève. Oui, encore faut-il y parvenir. Notre invité aujourd'hui, Jean-Louis Etienne, explorateur, le premier homme à avoir atteint le pôle Nord en solitaire en 1986. Il nous attend en direct sur son voilier océanographique baptisé Persévérance et en pleine préparation d'un projet extraordinaire, le Polarpod. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire Romain Weber, rédaction en chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca Donnant, réalisation Stéphane Combe. Fabrice Drouel. Affaires sensibles sur France Inter. Il y a des jours où l'Antarctique n'est pas un continent blanc. Ce sont des jours sans soleil, au plus profond de l'hiver austral. Des jours comme ce mardi 13 juin 1911. Ce jour-là, un homme marche sur la banquise de l'océan Antarctique. Il n'y a pas d'autre bruit que le crissement de ses pas. La lune est pleine, il fait moins 32. Cet homme est anglais et il s'appelle Robert Scott. Dans son dos, il y a le baraquement dans lequel l'expédition qu'il mène passe l'hiver. Et devant lui, une colline qui sort de la glace baptisée l'île inaccessible. Alors il veut y monter pour observer seul le spectacle au-dessus de lui. Dans le ciel, on voit les étoiles à travers un grand voile rose qui s'agite lentement. Un immense nuage lumineux baigne les montagnes, les glaciers et la banquise dans une lueur douce, rose, jaune, puis verte. C'est une aurore polaire et elle danse paisiblement au-dessus de Scott. À quelques centaines de kilomètres, un autre homme regarde la même aurore. Lui s'appelle Roald Amundsen. Il est norvégien, et lui aussi s'est éloigné de son équipage. Mais pourquoi ces deux hommes ont-ils ressenti le besoin d'être seuls pour observer ces lumières ? Peut-être parce que, chacun de son côté, les yeux rivés vers le ciel, a la vanité de croire que ce spectacle sublime est fait pour lui, que c'est l'Antarctique qui l'accueille à sa façon. À plus d'un millier de kilomètres, le pôle Sud l'attend. Aucun homme ne l'a atteint, et tous les deux savent que cette fois, ils le vaincront. Dans quelques mois, la fin de l'hiver marquera le début de leur course. Scott et Amundsen regardent, imprégnés des lueurs de ce monde géant que l'un d'eux seulement aura le privilège de conquérir pour la première fois dans l'histoire de l'humanité. Amundsen écrit. En l'honneur de ses hôtes, la nature antarctique semble avoir revêtu sa plus somptueuse parure. Devant cette merveille qui semble irréelle, la raison doute du témoignage des yeux. La lumière est étrange. Vous êtes témoin d'un des phénomènes les plus extraordinaires et les plus incompréhensibles de ce monde fantastique. Amundsen et Scott racontent leur épopée jour après jour, bien conscients que ce qu'ils écrivent seuls au bout du monde sera lu sur tous les continents et pendant des siècles après leur mort. Ils écrivent sur des petits carnets. Scott en a 3. Qu'il range dans un sac en toile. Ce 13 juin 1911, il en est au premier. Il ne peut pas savoir que quelques mois plus tard, au beau milieu de l'Antarctique redevenu entièrement blanc, il ouvrira son troisième carnet à la première page et qu'il y écrira quelques mots qui serviront de consigne « Envoyez ce journal à ma femme ». Il ne sait pas non plus qu'il raillera le dernier mot et qu'il remplacera ma femme par ma veuve. L'histoire de l'homme est celle d'une lutte constante pour aller des ténèbres vers la lumière. Nulle part les mystères de l'inconnu ne furent plus déconcertants que sur les terres antarctiques, théâtre des luttes les plus farouches parmi celles qui furent livrées pour la connaissance de notre monde. À l'extrémité sud de la Terre, les plus vastes océans bordent un continent isolé, l'Antarctique. Séparé de son plus proche voisin par près de 1000 km de mer glacée. Ces glaciers et ces montagnes couvrent une superficie légèrement supérieure à celle de l'Europe. C'est le continent le plus élevé du monde, une terre qui excita l'imagination de l'homme des siècles avant qu'on ne puisse l'aborder. Scott et Amundsen se situent au bout d'une chaîne de 2 siècles d'expéditions polaires. 200 ans plus tôt, en effet, James Cook, grand navigateur anglais, s'était montré définitif sur l'Antarctique. Ce pays, avait-il dit, est condamné par la nature à rester enseveli dans les neiges et des glaces éternelles. Il se trompait, mais il a fallu que le 19e siècle s'écoule pour découvrir que cet endroit du globe est certes entouré d'une banquise, très difficile à franchir et bordé d'une immense falaise de glace, mais qui n'est pas hors de portée. Alors qui sont-ils, ces Scott et Amundsen? Eh bien, sont réunis en cette année 1911, dans cet endroit désert, 2 hommes que tout oppose. Les photos qui nous restent d'eux renseignent sur leur personnalité. Scott d'abord. Le portrait de lui le plus souvent utilisé le montre dans un uniforme de la marine britannique. Le képi dans la main droite, la main gauche sur le sabre, des épaulettes dorées et les médailles bien portées, crâne dégarni, regard lointain. Scott dégage une certaine sérénité, une fierté également. C'est un militaire et un très bon marin. Et c'est par ces fonctions-là qu'il est entré dans l'histoire de l'exploration polaire. C'est un homme capable de diriger une troupe, et il faut au moins cette qualité pour lancer des expéditions. Scott est également un être introverti, pudique et sans grande fantaisie. La lecture de son journal nous renseigne peu sur ses ambitions. C'est à peine s'il parle du rêve de grandeur évident qui l'anime. Non, son ambition, elle est à lire entre les lignes. Ou plutôt, en préambule d'un de ses cahiers, quand il note quelques vers d'un poète anglais qui disent « Et aux lointaines régions, de tels héros parviennent, comme ceux dont nous descendons. Ils inscrivent notre nom sous cette étoile, inconnue de notre nord. » Scott est un homme qui n'a pas l'envergure d'un héros, mais que sa carrière a poussé à le devenir. Avec Amundsen, l'histoire est différente. Il faut voir la photo la plus célèbre de lui. Il pose dans une épaisse fourrure d'esquimau. Un visage totalement froid, sans aucune trace d'émotion. Une placidité sans faille, un regard clair, glacial, imperturbable. À travers ses yeux, on peut raconter toute l'histoire de la conquête des pôles, sud comme nord. Parce que le rêve du Norvégien, depuis qu'il est enfant, c'est de conquérir le pôle au large de sa Norvège. Il écrit sur l'origine de son obsession. Peut-être l'idéalisme de la jeunesse qui souvent ne recule pas, même devant le martyr, me fit-il considérer comme une croisade une exploration dans la mer Arctique. Moi aussi, je souffrirais dans l'intérêt d'une cause, non pas en franchissant le brûlant désert sur la route de Jérusalem, mais dans les régions glaciales du Nord, sur le chemin des découvertes dans des domaines ignorés. Amundsen est une vedette. Il a trouvé un passage qui relie l'Atlantique au Pacifique par le nord de l'Amérique. Il multiplie les conférences et son ambition est tout entière tournée vers son rêve, le pôle Nord. Mais il est conquis par quelqu'un d'autre. C'est un Américain, Robert Peary, qui en 1909 atteint ce bout du monde et qui, débordé par la gloire, s'empresse d'annoncer « il n'y a plus rien à conquérir ». Faux, bien sûr. à l'autre extrémité du globe, dont Perry semble avoir oublié l'existence, le pôle Sud résiste. Mais la même année, il est approché de près par un certain Ernest Shackleton, contraint de rebrousser chemin alors qu'il touchait au but. Tant pis, cet homme a trouvé une voie et a montré que le pôle Sud, lui aussi, était accessible. Alors Amundsen, profondément attristé de ne pas avoir conquis le pôle Nord, se rabat sur le Sud. Il sait que d'autres sont déjà partis avec la même idée. Des Anglais, dirigés par un certain Scott. Amundsen entre dans la course. Il envoie un télégramme à son adversaire. Scott se croyait seul. Il a préparé une exploration. Amundsen savait qu'il avait un concurrent. Il a préparé un raid. Oui, leurs stratégies sont très différentes. La mission de Scott compte beaucoup d'hommes et il a fait le choix de poney sibérien pour se déplacer sur la glace. Amundsen, lui, part avec une équipe réduite et ne compte que sur ses chiens. Après de longs mois d'hivernage, le soleil revient et la course peut commencer. Le 31 octobre 1911, Scott écrit dans son carnet. L'état général de nos affaires est excellent. Même si nous n'arrivons pas les premiers au but, notre expédition n'en restera pas moins une des plus importantes qui a jamais été entreprise dans les régions polaires. Quel qu'il soit, je puis affirmer hautement que nous n'avons rien négligé pour mériter le succès. Le 1er novembre 1911, avec 12 hommes et un troupeau de poneys, Scott entame ses 1500 km qui le séparent du pôle Sud. Mais il suffit de lire les entêtes de son journal pour comprendre que la confiance affichée au départ est de courte durée. Je cite... Monotonie de la marche, mauvais temps constant, terrible blizzard, caravane bloquée par la neige et par la tempête. Comme on le comprend, l'Antarctique, c'est d'abord une immense plaine. Durant l'été austral, il fait jour presque 24 heures sur 24. La température oscille entre moins 10 et moins 60 et elle change brutalement. Le vent soulève alors les particules de glace et projette le flocon sur les hommes qui le reçoivent comme une pluie d'aiguilles. Ce sont les mots de Scott. Dans ce pays où le froid brûle et où le soleil ne chauffe rien, les visages se gercent, s'abîment, se fissurent. Et ce n'est pas tant contre l'Antarctique qu'on se bat quand on y avance, non. C'est contre son envie d'abandonner, de rebrousser chemin dans ce paysage dangereux, monotone, où rien n'est plus semblable à ce qu'on voit que ce qu'on a vu une heure plus tôt et que ce qu'on verra une heure plus tard. La progression de l'équipe de Scott est d'autant plus pénible que les poneys se révèlent peu adaptés. Ils traînent les grosses tentes, les vivres, leur propre fourrage... Ils sont lourds, s'enfoncent dans la neige, sont à la peine dès que leur poil prend l'eau. Pendant plus d'un mois, du 1er novembre au 9 décembre, dans des conditions affreuses, l'équipe de Scott traverse cette plaine. S'élève ensuite une chaîne de montagnes. Les poneys ne pourront pas la traverser. Ils sont abattus, c'était prévu. Une phrase de Scott résume cette première partie de l'expédition. Lugubre, l'aspect de cette grande plaine de neige lorsque terre et ciel se fondent dans une même blancheur de mort. L'explorateur Paul-Émile Victor raconte, en 1958, les difficultés que rencontrent Scott et ses hommes qui, sans poney, commencent à tirer leur traîneau eux-mêmes. Au cours de cette expédition, Scott n'a pas voulu utiliser ni des chiens ni des poneys d'Islandais. Ils ont traîné pendant 166 jours leur traîneau, enfonçant dans la neige jusque au-dessus du genou, quelquefois jusqu'au ventre, dans les séracs, dans les crevasses, tombant, se relevant, tombant, ne mangeant que des rations réduites, suffisantes en principe, mais réduites, extrêmement réduites quand il s'agit d'un effort comme celui-là. Vous imaginez avec le vent, le blizzard et la neige qui tombe, rien que d'y penser, c'est extraordinaire de songer que ces hommes, pendant 166 jours, sont passés par ce genre d'exercice alors qu'ils étaient déjà à moitié morts. Le glacier de Birlmore est une longue veine glacée qui trace un sillon entre les montagnes. C'est un couloir dans lequel s'engouffre le vent, un dédale de crevasses que la neige recouvre et qui menace d'engloutir les hommes à chacun de leurs pas. Dans cette région, le froid fiche tout, même le blizzard. C'est comme si la neige avait formé des vagues gigantesques que le vent avait congelées avant qu'elles ne s'écrasent. Eh bien, c'est dans ce décor que 12 hommes traînent laborieusement leurs affaires à la place de leurs poneys. Mais enfin, pourquoi Scott s'inflige-t-il cela? Eh bien parce que, dans son idée, la conquête ne vaut que si elle est effectuée par des hommes, et par des hommes seulement. Entendez, parler par des humains. Bowers, l'un de ses équipiers, écrit une phrase qui révèle cet état d'esprit. « Ce sera une belle chose, dit-il, de vaincre le plateau nous-mêmes. » Le glacier lui est vaincu après deux longues semaines. Devant, c'est maintenant un plateau qui s'élève à 3000 mètres d'altitude. Le pôle sud n'est plus qu'à 400 km au centre de ce plateau. Alors il faut à Scott une équipe plus légère. C'était prévu aussi. Il choisit quatre de ses hommes et renvoie les autres, là d'où ils sont partis. Et la marche continue. Le vent souffle toujours plus fort. Seuls, face à la tempête, les cinq Anglais avancent, se réfugiant dans leurs souvenirs, pensant à leur famille, aux rues qui leur manquent et à leurs plats préférés. « On oublie, » écrit Scott. « On oublie et on avance. » Aujourd'hui, la conquête du pôle sud. Affaires sensibles sur France Inter. Comme c'est étrange d'avancer vers rien. Scott et ses compagnons progressent sur le plateau antarctique, mais le pôle ne sera pas différent du paysage qu'ils traversent jour après jour, et ils le savent. C'est la gloire qui guide leurs pas, alors que chaque jour, leurs muscles se tétanisent un peu plus. Disons que l'exploit vaut toutes les souffrances. Ils sont partis le 1er novembre. Nous voilà le 16 janvier, 68e jour. Il fait moins 31 degrés. Le pôle n'est plus qu'à 50 km quand apparaît au loin une tache sur la neige. À 2h, les yeux perçants de Bowers découvrent dans le lointain comme un cairn. À cette vue, il éprouve une terrible angoisse. Après tout, ce n'est peut-être simplement une vague de neige. Une demi-heure après, droit devant nous, il distingue une tache noire. Cette tache ne peut évidemment pas être un tas de neige. Poursuivant notre route, nous apercevons qu'elle est formée par un drapeau noir attaché à une barre de traîneau. Un simple coup d'œil nous révèle tout. Les Norvégiens nous ont devancés. Ils ont atteint le pôle sud des premiers. Dans cet endroit dépourvu de vie, l'échec de Scott se lit dans la neige. Des traces de ski, de traîneaux, de pattes de chien. Depuis les dizaines de millénaires que l'humain existe, personne n'était jamais allé aussi loin. Et voilà que Scott échoue une poignée de jours près. Amundsen, lui, a déjà donné un nom à cet endroit mythique qu'il veut atteindre, le plateau du roi Hakonset, roi de Norvège. « Quelle horrible contrée !» écrit Scott de son côté. Et ça, c'est décourageant d'avoir tant peiné pour y arriver et de ne pas être récompensé par la gloire. Au pôle, les Anglais trouvent une petite tente. Elle est surplombée du drapeau norvégien et à l'intérieur se trouvent deux lettres, signées Amundsen. L'une est pour le roi de Norvège, l'autre est pour Scott. Elle lui demande, si jamais les Norvégiens ne rentraient pas au pays, de prévenir le roi que le pôle a été conquis. Scott s'imaginait déjà vainqueur. Arrivé au bout du monde, il n'est plus que le messager d'Amundsen. Il existe une photo de l'équipe de Scott au pôle sud. Elle est terrible. Deux hommes assis sur la glace, leurs regards cachés par leur bonnet. Trois hommes debout derrière eux. Scott, au centre, qui tient piteusement le drapeau britannique et qui est le seul à ne pas regarder vers l'objectif. Non, il regarde ailleurs, tourné vers un point invisible. Tout chez lui montre le désespoir. Et il écrit. Maintenant, nous tournons le dos au but de notre ambition. Pour entamer un nouveau parcours particulièrement difficile, pendant lequel nous aurons à aller notre traîneau au prix de terribles efforts. Adieu à la plupart de nos rêves. Scott et ses hommes repartent à bout de force. Nous sommes le 18 janvier. À cette date, Amundsen est déjà presque rentré à son camp. Il a atteint le pôle un mois avant Scott. Il note. Le facteur déterminant dans une expédition, c'est la façon dont elle a été préparée, dont chaque difficulté a été prévue et les précautions prises pour les affronter ou les éviter. La victoire attend celui qui a su préparer tout cela. Le commun des mortels appelle cela la chance. La défaite est en revanche certaine pour celui qui a négligé de prendre les précautions nécessaires. C'est ce qu'on appelle la malchance. À quoi tient la victoire d'Amundsen ? Oh, il l'explique simplement. Nous avions des chiens et eux n'en avaient pas. Le Norvégien a tiré de son expérience la certitude que c'est sur ces animaux-là que repose le succès d'une expédition polaire. Avec ses poneys, Scott met 37 jours pour arriver jusqu'aux montagnes. Tiré par ses chiens, Amundsen en met 24. Tractant ses traîneaux à bout de bras, Scott met 80 jours de plus pour atteindre le pôle. Tranquillement porté par ses chiens, Amundsen, lui, n'en met que 59. L'équipée de Scott se rationne difficilement, celle d'Amundsen ne manque de rien. Parce que les chiens, ça ne sert pas qu'à tirer les traîneaux, ça se mange aussi. Ils sont donc abattus et consommés régulièrement à mesure que l'équipée traverse l'Atlantique. Rien ne se perd, Amundsen a tout anticipé. Seul inconnu, l'itinéraire. Scott emprunte la voie qu'Ernest Shackleton avait tracée quelques années plus tôt, mais Amundsen, lui, s'engage dans des contrées inexplorées. Il n'y rencontre pas de problème et a même le privilège de nommer comme il l'entend les endroits qu'il traverse. Sur un coup de tête, les sommets les plus imposants, les glaciers les plus redoutables, sont baptisés par le Norvégien parce qu'il les voit en premier. Celui-ci, ce sera le glacier Alex Heiberg, l'un de ses sponsors. Plus loin, ce sera le glacier du Diable parce qu'il aura été compliqué à franchir. Amundsen apprivoise l'Antarctique. À la 88e latitude sud, le 7 décembre, un mois et demi après être parti, il sait que personne n'est jamais revenu aussi loin que lui. Et il se met à pleurer. Des larmes qui gèlent instantanément. Une semaine plus tard, le pôle est atteint. Alors il plante une tente, dresse le drapeau norvégien et écrit deux lettres. L'une pour le roi, l'autre pour Scott. Nous sommes le 14 décembre 1911. Amundsen a atteint le pôle sud en moins de deux mois. C'est un exploit. Mais subsiste au fond de lui, comme une tâche indélébile, la grande déception de sa vie. Je ne peux pas prétendre avoir atteint le but de ma vie. Je ne crois pas qu'un être humain se soit jamais trouvé plus que moi dans un lieu aussi diamétralement opposé à son but le plus cher. C'est le pôle nord qui m'attire depuis mon enfance. Et c'est au pôle sud que je me trouve. Peut-on concevoir quelque chose de plus pervers ? Il existe une photo des Norvégiens au pôle. On y voit quatre hommes qui ont enlevé leur bonnet et qui regardent leur drapeau flotter. Comme s'ils se recueillaient. Après tout, il n'y a rien d'autre à regarder que ce drapeau. Tout le reste est parfaitement blanc, parfaitement plat. Ils campent à cet endroit pendant 3 jours, puis repartent. « Adieu, cher Paul », écrit Amundsen. « Je ne crois pas que nous nous reverrons. » Amundsen avait prévu d'être de retour le 25 janvier. Le 25 janvier, il est de retour. Il a parcouru 3000 km en 99 jours. Puis il embarque en direction de l'Europe. Sur le bateau, il annonce sa victoire à un journaliste à qui il dit également « Je n'ai trouvé aucune trace indiquant que Scott ait été au pôle. » Il se trouve que Scott n'est jamais revenu de son expédition. En réalité, il s'y trouve encore aujourd'hui. Alors, comment connaissons-nous son histoire? Comment savons-nous ce qui lui est arrivé? Grâce au froid polaire, qui conserve tout. Oui, le froid est la meilleure des archives. Nous sommes le 11 novembre 1912. Voilà 11 mois que Amundsen a atteint le pôle, 10 que Scott est arrivé deuxième et qu'il n'est pas revenu. Sans nouvelles de l'expédition, les Britanniques ont lancé des hommes à la recherche de l'équipée, sachant bien qu'ils ne les retrouveront pas vivants. De fait, c'est une petite tente que les sauveteurs rencontrent sur leur chemin. Une petite tente qui a résisté à la tempête et qui abrite le corps de Scott et de deux de ses compagnons. À côté d'eux, il y a 3 cahiers glissés dans un sac en toile. Le journal de Scott. Le chef de cette nouvelle expédition ouvre ses petits carnets. Il en parcourt les dernières pages. Il lit une lettre que Scott a rédigée avant sa mort et dans laquelle, d'une écriture qui montre sa faiblesse, il confie à celui qui la trouvera « Ces notes et nos cadavres raconteront notre histoire. » Celle de 5 hommes abattus et qui avaient devant eux 1500 kilomètres abominables à parcourir, les mêmes qu'ils avaient arpentés à l'aller et où ils avaient perdu toute leur force. Samedi 3 mars. Ce matin, l'avenir s'annonce plus sombre que jamais. Après un bon départ avec brise favorable, progrès rapide pendant 1 heure, puis la piste devient atroce. Que Dieu ait pitié de nous. Le halage devient impossible dans de telles conditions. Nous gardons toujours l'apparence d'hommes pleins d'entrain, mais ce que chacun de nous pense au fond de lui-même, je l'entrevois facilement. Au retour du pôle, la météo se dégrade sévèrement. Ajoutez à cela le manque de vivres et la grande déception de ne pas avoir conquis le pôle, le retour est un calvaire. C'est Edward Evans, le second de Scott, qui en pâtit le premier. Le froid abîme son nez, ses doigts. Puis c'est au tour d'un deuxième, Wilson, de ne plus avoir la force de tirer son traîneau. Le désespoir les gagne. Les jours passent et du désespoir, Evans passe à la démence. Il ne sait plus où il est, il n'avance plus, retire ses vêtements. Il tombe dans le coma, puis il expire. Ils ne sont plus que 4 hommes en vie. Que nous réserve l'avenir, écrit Scott. Après Evans, c'est au tour de Lawrence Oates d'être en mauvaise posture. Une blessure l'affaiblit de jour en jour, au point de devenir un fardeau pour ses 3 compagnons. Alors ils discutent de son sort et conviennent qu'il marchera tant qu'il pourra. À chacun des 4 hommes est confiée une dose d'opium et de morphine suffisante pour se suicider. Le tragique de notre histoire, écrit Scott, va jusque-là. On lit ensuite dans son journal. Vendredi 16 ou 17 mars. Perdu le souvenir de la date, je suppose la dernière exacte. Tragédie sur toute la ligne. Avant-hier, au déjeuner, le malheureux Watts annonce ne pouvoir aller plus loin et nous demande de l'abandonner dans son sac de couchage. Le soir, notre pauvre camarade est au plus mal. L'heure de sa fin est venue. Voici le bref récit de sa mort. Avant-hier soir, il s'endormit, espérant ne plus rouvrir les yeux. Le lendemain, hélas, il se réveilla. À ce moment, le blizzard soufflait. Il nous dit alors « Je sors et je serai peut-être quelque temps dehors. » Puis il disparut dans les tourbillons de neige. Nous ne l'avons plus revu ensuite. Le 17 mars 1912, l'équipée ne compte plus que 3 hommes. Quelques jours plus tard, Scott et ses 2 derniers équipiers se trouvent à 12 kilomètres d'un camp où se trouve de quoi se nourrir. Mais la tempête est tellement violente qu'ils ne peuvent plus sortir de leur tente. La mort doit être proche, écrit Scott. Mais nous avons décidé de ne pas hâter sa venue. ils n'utiliseront pas l'opium, ni la morphine. Les derniers instants de leur vie, Scott et ses compagnons les passent à écrire. Mardi 29 mars, on peut lire à la toute fin de son compte-rendu. Maintenant, tout espoir doit être abandonné. La mort ne peut plus être loin. C'est épouvantable. Je ne puis écrire davantage. Il signe Robert Scott et ajoute « Pour l'amour de Dieu, occupez-vous des nôtres. » Et il écrit en première page de son troisième carnet « Envoyez ce journal à ma femme. » Puis il rectifie « Envoyez ce journal à ma veuve. » Glissé dans ces trois cahiers, on découvre également des lettres, ces dernières. Et dans ces lignes, cet homme introverti, pudique, cachant toujours ses ambitions comme ses émotions, se dévoile enfin. « Je n'ai pas pu vous montrer combien votre amitié m'était précieuse, écrit-il à un ami. Je meurs sans peur, en paix avec le monde et avec moi-même. » Il écrit une lettre à la nation anglaise également, qui sera lue à l'école par plusieurs générations d'anglais. Mais les lignes les plus belles, ce sont celles qu'il écrit à son épouse. Ma chérie, nous sommes dans une situation très délicate et je doute que nous nous en sortions. Si quelque chose m'arrive, j'espère que tu te souviendras de moi en bien et que tu n'auras pas honte de ma mort. Je suis heureux de penser que notre garçon trouvera chez son père de quoi être fier. Ma chérie, ce n'est pas facile d'écrire à cause du froid. 68 degrés au-dessous de zéro et avec notre tente comme seul abri. Je sais que je t'ai aimé, que mes pensées ont toujours été pour toi et que le pire dans tout cela est l'idée que je ne te verrai plus. J'aurais tant à te dire sur ce voyage. C'était tellement mieux que de rester tranquillement à la maison. Quelles histoires tu pourras raconter à notre garçon? Mais quel prix à payer. Celui de ne plus jamais poser mon regard sur ton visage que j'aime tant. 8 mois après la mort de Scott et de ses compagnons, l'équipe de recherche défait leur tente et la couche par-dessus leur corps. Ils la recouvrent de neige, formant un grand monticule qui referme leur dépouille. Sur ce monticule, ils disposent de skis en forme de croix, enfoncent de part et d'autre 2 traîneaux dans la neige, puis ils placent dans une boîte une lettre. Une lettre racontant leur histoire et se terminant par ces mots « Le Seigneur donne et le Seigneur reprend ». Et ils repartent, laissant derrière eux une drôle de tombe qui ressemble à une pyramide. « Quel magnifique mausolée !» dit Jean-Baptiste Charcot. « Toute l'architecture fantastique de l'Antarctique, tombeau immense dont un pharaon de l'Égypte n'aurait pu même rêver. » Aujourd'hui, la conquête du pôle Sud. Notre invité, c'est Jean-Louis Étienne, explorateur. Le premier homme à avoir atteint le pôle Nord en solitaire en 1986. Il a traversé l'Antarctique ensuite en traîneau, l'océan Arctique en ballon. Il est aujourd'hui avec nous depuis l'océan Austral sur son voilier océanographique qui s'appelle Persévérance. Il prépare un projet extraordinaire qui, lui, s'appelle le Polar Pod. Alors, nous sommes à 15 000 km de distance. Donc, il y aura donc forcément un petit décalage d'une demi-seconde entre les paroles de Jean-Louis Étienne et les miennes. Bonjour Jean-Louis Étienne, m'entendez-vous bien d'abord? Oui, bonjour, je suis à bord effectivement de Persévérance en Géorgie du Sud. Je vous entends très bien, est-ce que vous m'avez bien reçu? Parfait. Alors, puisque vous me parlez de Polar Pod, on va commencer par ça. En quoi consiste le projet? Alors j'ai vu des photos, c'est assez impressionnant, c'est presque futuriste d'ailleurs. Alors Polar Pod, c'est une station, un navire vertical, on va dire, une station qui va dériver autour de l'Antarctique pour étudier l'océan Austral. L'océan Austral, c'est cet océan qui entoure le continent Antarctique, qui est animé par un vent et un courant constant que les marins appellent les 50e hurlant. C'est un océan qui est loin, qui est difficile d'accès. Les missions se font essentiellement l'été. Et le Polar Pod, par sa stabilité verticale, va permettre à des scientifiques de séjourner tout au long de l'année sur cet océan de tempête dans des bonnes conditions de sécurité et de confort. C'est ça le principe de cette expédition Polar Pod. Alors, vous parliez d'été, on y sera bientôt dans l'été austral, dans 2 mois, là, c'est un peu le printemps. Qu'y a-t-il autour de vous en ce moment? Que voyez-vous? Alors, écoutez, c'est fort intéressant. Je suis à Stromness. Là, je suis en Géorgie du Sud. Mmh. La Géorgie du Sud, c'est bien sûr pas très loin du continent antarctique. C'est une île où a débarqué Shackleton. Shackleton, quand il a fait son épopée de l'endurance, ils se sont trouvés en grande difficulté parce que le bateau endurance avait été broyé. Ils ont réussi à partir, à se sauver et arriver dans une base baleinière ici en Géorgie du Sud qui s'appelle Stromness. Et donc je dis sur ce lieu historique extrêmement émouvant où Shackleton et sa petite équipe a réussi à se sauver de l'épopée de l'endurance. Donc c'est extrêmement émouvant ces endroits où je suis là. Alors dites-moi, pôle sud, pôle nord. Bon, je vais pas vous demander la différence, il y en a un qui est au nord et un qui est au sud, mais il y a beaucoup plus que ça peut-être. C'est quoi la différence d'approche entre les deux quand on va explorer ces deux endroits? Alors le pôle nord, là on parle du pôle nord géographique, oui. L'axe de rotation de la Terre. Le pôle nord se trouve au milieu d'un océan gelé, qu'on appelle l'océan Arctique. Un océan gelé recouvert par une banquise qui faisait 2 mètres d'épaisseur quand j'y étais en 86, qui s'amenuise aujourd'hui. Et donc cet océan Arctique est entouré par l'immense Sibérie, les États-Unis avec l'Alaska, le Canada. Et donc quand on va au pôle Nord, on marche sur de la banquise chaotique, sur de la mer gelée. Mmh. Ça c'est le pôle Nord. Le pôle Sud, on va dire c'est le contraire. Le pôle Sud est au milieu d'un continent, un continent de glace, donc on appelle l'Antarctique. Pour vous donner une idée de sa dimension, c'est 28 fois la surface de la France. Un puzzle serré de 28 France, vous avez la surface de l'Antarctique, c'est recouvert de glace, d'une épaisseur en moyenne de 2,5 km, vous avez là presque 80-90% de l'eau douce de la planète qui est gelée en Antarctique. Alors vous m'avez dit qu'en 86, la banquise faisait 2 mètres d'épaisseur, qu'elle s'amenuise aujourd'hui. Est-ce que vous avez un ordre d'idée? Parce que c'est important en termes de dérèglement climatique. Alors bien sûr, on constate avec les satellites une régression de la surface de la banquise. Oui, Jean-Louis Etienne, on vous a perdu, pas forcément pour longtemps. Jean-Louis Etienne, vous êtes revenu avec nous, c'est formidable. Jean-Baptiste Charcot, grand explorateur français, hein, disait « L'homme qui a pu pénétrer dans ce lieu, donc le pôle sud, l'Antarctique, sans son âme qui s'élève. » Qu'en pensez-vous? J'ai pas tout à fait compris, sans son âme qui s'élève. Ah oui, mais si vous voulez, ce sont des régions désertiques, si vous voulez. C'est ça qui est, je dirais, le côté attirant de ces régions. Nous avons été coupés, je vous parlais de la régression de la surface de la banquise. Oui, c'est vrai. En nord, et en même temps, une régression de l'épaisseur. Elle était de 2 mètres en moyenne en 1986, aujourd'hui elle est de 1,20 m. Donc c'est un signe, si vous voulez, effectivement, de l'impact du réchauffement climatique. Et en Antarctique, on a au sud, donc on a une libération un peu plus importante d'iceberg, parce que le niveau de l'eau monte, la température de l'eau monte, et donc ça érode les plateformes de glace, ce qui libère des grands icebergs. Donc, les régions polaires sont des acteurs de la régulation du climat, et en même temps des témoins du réchauffement climatique évident. Bon, alors on va revenir un peu sur l'histoire que nous venons de raconter, Scott et Amundsen. Selon vous, qui est le vrai héros de cette course au pôle sud, entre les deux? Alors, les deux sont des héros, si vous voulez. Le premier, c'est Amundsen qui est arrivé au pôle sud. Amundsen avait une expérience, effectivement, c'est norvégien, avec une expérience des attelages de chiens, des étendues glacées, alors que n'avait pas Scott, bien que ce soit à sa deuxième expédition. Et donc Amundsen, vraiment d'une manière héroïque, a réussi ça d'une main de maître. Et Scott est un héros, effectivement, lui-même, parce que ce sont des zones, vous savez, on s'engageait, on savait pas ce qu'il y avait au pôle sud. On était incapable de donner des informations, d'amener une alerte. On prenait tout sur soi. Donc les deux, je dirais, sont des héros. Et Scott a été vraiment très meurtri, parce que quand il arrive au pôle sud, qu'est-ce qu'il voit? Il voit qu'Amundsen est déjà arrivé. Et donc cet engagement, il avait déjà essayé avant. Et cet engagement de la deuxième expédition, arriver là sur l'axe de rotation de Terre et se rendre compte qu'on vous a confisqué votre expédition, donc c'était extrêmement douloureux pour eux. si bien qu'ils sont revenus épuisés et morts sur la route au retour. Ouais. Et vous, lorsque vous partez en expédition, vous acceptez, comme Scott ou Anderson l'ont fait, le risque de la mort ? Quel est votre rapport par rapport à ce concept-là ? Oui, si vous voulez, la mort, elle est, le risque de la mort, elle est partout. Il y a une différence, si vous voulez, énorme entre ce qu'ont fait nos prédécesseurs qui partaient sans une connaissance géographique, qui n'avaient pas, je vous dis, de moyens d'appeler au secours, ils ne savaient pas où aller, donc tout était intense là où ils étaient. C'était eux-mêmes qui pouvaient se sortir d'affaires. Donc ça, c'est quand même un changement important. J'ai connu l'intermédiaire, je dirais, en allant au pôle Nord en 1986, je n'avais pas de GPS, pas de téléphone comme nous avons à l'heure actuelle. Donc j'ai connu cette intensité de la retraite, cette intensité de la solitude, qui est quelque chose qui a été structurant pour moi. Mais je reconnais que mes prédécesseurs ont fait un acte d'héroïsme absolument extraordinaire. Psychologiquement, il faut être d'une force remarquable, quoi. Alors comment organisez-vous votre vie, vous, explorateur de l'époque contemporaine ? Vous passez en moyenne combien de mois dans l'année en expédition ? Et comment vous organisez cette vie qui ne ressemble pas à la vie de tout le monde, hein ? Alors ça dure depuis longtemps. J'ai commencé à faire des expéditions, donc je suis médecin, j'étais interne en chirurgie, et l'envie de faire des expéditions me passionnait totalement. Et donc, une fois que j'étais interne en chirurgie, j'ai commencé à vouloir faire des expéditions. Et la seule chose que j'avais à offrir, je dirais, c'était mes compétences de médecin. Et c'est comme ça que j'ai fait la course autour du monde avec Eric Tabarly, j'ai fait l'expédition en Himalaya. Et l'attrait pour les régions polaires est ancien. Et à partir de ce moment-là, je me suis entièrement consacré aux expéditions polaires. Il faut comprendre qu'une expédition, ce que l'on décrit de l'expédition, l'engagement sur le terrain et la partie émergée, si vous me permettez, de l'iceberg, c'est une vraie organisation, c'est une entreprise, presque une expédition. Donc je passe beaucoup de temps dans la préparation pour un temps d'expédition qui, des fois, est la majorité du temps, beaucoup plus court que le temps de préparation. Et ça existe depuis toujours, ça. Et qu'est-ce qui vous pousse, enfin, il n'y a pas de hiérarchie, vous allez me dire c'est les deux ou les trois, mais quand même, l'attrait de l'aventure, le pôle en lui-même, parce que c'est un environnement que vous connaissez, qui vous est familier, que vous aimez, ou l'observation scientifique, notamment, concernant le dérèglement climatique. Alors, je pense qu'il y a les trois, mais comment vous organisez ça aussi ? Et vous avez raison, c'est multifactoriel, je dirais. D'une part, effectivement, il y a un attrait pour ces régions. Moi, je suis, entre guillemets, en même temps, un bâtisseur. J'ai construit, si vous voulez, les outils de mes explorations. J'aime bien quand un lieu difficile d'accès, avec un intérêt scientifique, il faut construire quelque chose. J'ai construit Antarctica, qui s'appelle Tara aujourd'hui. Là, bientôt, Polar Pod, mais là, je suis sur Persévérance, qui est le bateau de l'expédition Polar Pod. Et puis, moi, ce que j'aime bien, c'est d'être le témoin. Vous savez, j'adore la pédagogie. Moi, je suis très autodidacte depuis tout petit. Et donc, j'adore la pédagogie. J'ai appris à apprendre à moi-même. Et donc, j'aime bien transmettre. Et le vous donne cette légitimité. Donc, vous voyez, c'est quelque chose, oui, multifactoriel. C'est-à-dire, il y a des zones que j'aime beaucoup aller explorer qui sont souvent méconnues. Donc, je me documente. Je suis toujours l'activité polaire, l'activité scientifique des pôles. Et à partir du moment où il y a quelque chose, un lieu difficile d'accès, j'aime construire. J'aime faire des vaisseaux pour aller explorer des zones complexes. Donc mes projets me prennent beaucoup de temps et globalement, ça recoupe un peu toutes mes passions, c'est-à-dire les passions pour les déserts, les passions pour la construction. J'ai construit, donc je le disais tout à l'heure, Antarctica qui s'appelle Tara, là c'est bientôt Polar Pod. Et en même temps, j'accompagne des scientifiques sur le terrain, j'aime la science de terrain et puis j'aime la pédagogie et le terrain vous donne une légitimité. Vous avez la force pour faire de la pédagogie. Vous y avez été, vous qui avez vu, vous voyez. Et c'est quelque chose qui est complexe. Et ça a toujours occupé tous les explorateurs. Le temps de préparation est souvent beaucoup plus long que l'expédition elle-même. Alors, on a trouvé l'année dernière, à 3000 mètres de profondeur, en Antarctique, un vestige d'une des plus grandes expéditions polaires, celle d'un homme dont on a évoqué le nom dans le récit, Ernest Shackleton. Plus de 100 ans plus tard, on a retrouvé son bateau, l'Endurance, qui avait coulé en 1915. J'imagine que c'est quelque chose qui vous a interpellé, voire ému. Ah ben oui, l'épopée de l'Endurance, ce bateau, l'Endurance. Oui, en plus, Shackleton, c'est un être exceptionnel, Shackleton, qui a tenté déjà deux fois d'aller au pôle Sud, et puis il a décidé de faire la traversée de l'Antarctique avec ce bateau, l'Endurance, et en mer de Weddell, il s'est fait broyer. Tout a été détruit. Et donc, ils ont réussi à échapper en tirant leur baleinière jusqu'à l'eau libre pour arriver en Géorgie du Sud, d'où où je suis. Là, ici même, d'où je vous appelle, c'est la station baleinière qui s'appelle Stromness. C'est ici que Shackleton a fini par atterrir, si vous voulez, est arrivé où il y avait des baleiniers qui étaient là. Et tout de suite, il a commencé à mettre en œuvre le secours des hommes qui étaient restés à terre. Donc c'est très émouvant pour nous, on est ici où Shackleton a réussi cette épopée de l'Endurance. Oui, parce que vous êtes tous dans une filiation. La preuve, hein, l'histoire qu'on a racontée montre que cette envie d'aller découvrir ne date pas d'aujourd'hui, puisqu'on parle des explorateurs. Et quel est votre regard sur Jean-Baptiste Charcot ? Répétez, regard sur... Jean-Baptiste Charcot. Ah oui, mais Jean-Baptiste Charcot est un homme merveilleux, si vous voulez. C'était un passionné des régions polaires, un passionné par la navigation. Ça a été un constructeur de bateaux. Et Charcot n'était pas intéressé par la conquête des pôles. Charcot était intéressé par l'océanographie, la découverte géographique. Et d'ailleurs, sur la péninsule Antarctique, il y est venu deux fois hiverner. Il a exploré cette zone. Et si vous êtes là, avec la carte de géographie, vous voyez qu'il a donné des noms à des hommes politiques français, à des sponsors français qu'il avait. Et donc, Charcot a été... on a un point commun, si je peux me permettre. Bon, on est médecins tous les deux, je dirais. Mais en même temps, Charcot n'était pas de l'institution. C'est un libre d'inventer ses aventures, ce que lui a donné cette agilité, cette mobilité. Et c'était un homme de merveilleux conteur, merveilleux écrivain. C'est un inspirateur formidable pour nous. Bien, on va finir sur... je reviens, la boucle sera bouclée sur Polarpod. Donc vous m'avez expliqué que c'est un bateau vertical. Alors, comment ça va se passer ? Donc, est-ce que c'est une sorte de plateforme ? Qu'est-ce qu'on va observer ? Quels sont les objectifs de cette construction-là, Polarpod ? Alors, cette plateforme verticale lui donne la stabilité. On a 75 mètres de tirant d'eau, c'est-à-dire sous l'eau, qui lui donne cette stabilité, donc une habitabilité confortable. On va étudier cet océan. C'est le principal puits de carbone océanique de la planète. Le CO2 que l'on émet annexé se dissout davantage dans les eaux froides que dans les eaux tempérées. C'est pourquoi cet océan austral qui entoure l'Antarctique est le principal puits de carbone océanique. On va mesurer les échanges entre l'atmosphère et l'océan. Deuxièmement, c'est un navire silencieux. Le moteur, c'est le courant. L'électricité, c'est le vent. On a 6 éoliennes, donc il est silencieux. Et on va mettre des micros sous l'eau, des hydrophones, et on va faire un inventaire de la faune par acoustique. On connaît la signature sonore de toutes les espèces, et par une écoute permanente passive, on va faire un inventaire de la faune marine qui se trouve autour de l'Antarctique. Ce sont les deux grands sujets de cette expédition. Et puis une toute dernière question plus personnelle de votre vie quotidienne sur le pôle sud. Là maintenant, vous allez faire quoi ? Comment les soirées ? Comment ça se passe ? Alors si vous voulez, là on est en train de reprendre la mer, on va s'éloigner de la Géorgie du Sud, on va se rapprocher de la péninsule Antarctique. On a maintenant pratiquement 8 jours de mer, une mer qui est pas facile, c'est l'océan Austral. Et donc ensuite on reviendra au Ushuaïa. Et moi j'ai 2 autres missions scientifiques qui se feront à la fois en janvier et en février. Et dans l'économie du bateau Persévérance, nous amenons des passagers qui contribuent, si vous voulez, par le paiement de leur passage, de leur cabine. Ils contribuent à ce programme scientifique Polarpod, parce que dans tous ces projets-là, tous les anciens le connaissent bien, on passe beaucoup de gens à chercher des moyens. Et dans l'économie du projet Persévérance, il y a des passagers qui nous accompagnent parallèlement à ce programme scientifique que nous faisons. Eh bien, Jean-Louis Etienne, il me reste à vous remercier chaleureusement, vous qui êtes dans le froid. Merci, merci beaucoup et beaucoup de persévérance et beaucoup de réussite pour la suite des événements. Merci, au revoir. Vous voulez une nouvelle ? Accédez au Pass Warner sur Prime Video Channels avec True Detective Night Country. Ces types sont morts pour une vraie raison ! The Last of Us, House of the Dragon. Pour seulement 9,99€ par mois avec un abonnement supplémentaire. Profitez de 7 jours d'essai offerts. Le Pass Warner en exclusivité sur Prime Video Channels.